be fat that time. You take a fiel no man, la foyer monte, veste léon déchiré, chemise dit débraillé, l'homme pas la clignon, l'y pas v'le coûté. Initiation. Yeah. paire du soulier, li paire du pantalon. Tout le monde sous le haut, la monde est en train de passer. Veste li yon déchiré, chemise li débraillée.